Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette première émission de 2017 de Ça roule radio. Mon nom est Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois cette semaine, mon ami et collègue journaliste automobile, celui qui avait une grippe d'homme la semaine passée qui a fait qu'on n'a pas eu d'émission, monsieur Marc Bouchard. Salut Marc. Salut. Une grippe d'homme. M'attends faire, moi, des grippes Ouais, d'homme. t'avais perdu ta voix de diva. Exactement. J'avais pas ma voix sensuelle habituelle. Évidemment, je voulais pas décevoir nos millions d'auditeurs. Ouais, surtout les auditrices hein, qui t'écoutent sur Ah le oui. bord de leur chaise à savoir ce que tu vas dire, tellement ta voix est portante et magnifique. C'est correct. C'est correct, Luc. J'en C'est mets pas... beurre épais, c'est le début de l'année là, quand même. T'sais, je vais essayer de C'est... partir du bon pied, puis on dérapera tranquillement s'en allant vers le mois de décembre l'année prochaine. Ben, cette année, le mois de décembre à fin d'année. Donc, salut Marc, bonne année à toi. On se l'est dit par Facebook, mais on ne se l'est pas dit en personne. Et bonne année à tous nos auditeurs aussi. Moi, je fais ça simple. Je vous souhaite pas de l'argent, je vous souhaite pas de la santé, je vous souhaite pas toutes sortes d'affaires parce qu'on sait que ça arrive pas. Je vous souhaite juste d'avoir une année 2017 qui était mieux que votre année 2016. En tout cas, moi, c'est ce que je demande. Fait que si elle était bonne, j'espère qu'elle va être meilleure. Si elle était pourrie, ben j'espère qu'elle va être moins pourrie et qu'elle va être meilleure aussi. C'est à peu près tout ce que je peux vous souhaiter. Donc, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes en famille et tout ça. Vous en avez profité un peu. Il y a du monde qui était en congé entre Noël et jour de l'an. C'était pas mon cas. Moi, j'ai travaillé entre Noël et jour de l'an quand même, mais. Attends, ça, c'est-tu l'instant où on est supposé pleurer, là? Ouais, si ça vous tente. Une petite larme là, en cue, direct dans le bon temps, tu sais, comme on dit sur on cue, là, ça serait pas pire. Mais non, ça a été quand même un temps des fêtes intéressant. Toi, j'espère que tu as apprécié ton temps en famille avec ton fils et ta douce. Oui, non, ça a été très agréable. Un temps des fêtes là, qui a été effectivement très tranquille. Rien de vraiment majeur dans notre cas. Quelque chose de bien smooth et en famille. Alors, moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire, mon cher. Ben, moi, ce qui est un peu, ben, ce qui est un peu drôle, c'est qu'à chaque année, j'ai deux sœurs, donc on va une année chez une des sœurs, l'autre année chez l'autre sœur. Et puis cette année, c'était de retour chez la même sœur où il y a 2 ans, j'avais eu un accident avec le Honda CR-V, une espèce de, j'imagine un Soulon avait mal pris une courbe et avait vraiment embouti. Le Honda CR-V. Cette année, j'ai dit à ma soeur, ben, c'est plate, mais je stationne dans ton entrée. Je laisse pas l'auto dans la rue cette année. Donc, pas d'incident pour moi cette année. Ça s'est quand même bien passé. Et au moins, ça de bon. Ouais, ben en fait, c'est toujours mieux quand t'as pas d'histoire de même à raconter, ça fait un meilleur temps des fêtes, je te dirais. Ouais, ça avait un petit peu embouti aussi mon temps des fêtes il y a 2 ans. J'avais pas tellement apprécié. Là. Surtout qu'on avait. Les policiers étaient venus, tout ça, on n'avait pas retrouvé. La voiture, même s'il avait laissé son pare-choc avant en entier accroché après l'arrière du CRV, là, mais c'est ça. Ben, il t'a laissé un souvenir en plus, puis t'étais même pas content. Mais non, les policiers sont partis avec. Mais j'imagine Un peu qu'ils vont déçu. juste le jeter, là, mais c'est ça. On connaissait la marque et le modèle de la voiture et la couleur de la voiture. C'était une Nissan Versa noire, mais on n'a pas trouvé le reste. Donc, c'est ça. Mais si au moins il avait fait de l'antivol puis marqué son pare-choc, on aurait pu le retrouver, mais non. Même pas brillant dans ce coin-là. Bon, Marc, on va laisser passer les choses de Noël. C'est bien beau, Noël, jour de l'an. Il y a une. Bon, grosse nouvelle, tu as passé à la télévision, j'ai vu ta grosse face à la télé finalement. Tu es allé jaser du fait que Donald Trump a comme un peu menacé Ford ou ben tous les constructeurs de charger une taxe s'ils ne construisaient pas leur voiture aux États-Unis. Donc, si tu avais une usine au Mexique, mettons, Ford a des usines au Mexique, bon, une usine au Mexique qui fabrique la Focus, ben si tu veux La Fiesta. importer la Fiesta, si tu veux importer les voitures qui sont fabriqués là-bas, ben, tu paierais une taxe. Et Ford a reviré un peu de bord et a dit, bon, ben, on va investir aux États-Unis. Tu as passé à la télévision pour aller expliquer un peu ton point de vue. Fait qu'on va le faire ici aussi parce que je pense que c'est intéressant et important. Fait que je te laisse aller. Ce que tu viens de dire, en fait, c'est exactement la perception qu'on a voulu laisser aller, Ouais. alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est ça. OK, on va établir quelque chose. Ford avait décidé qu'ils étaient pour investir 1,6 milliard au Mexique dans la construction d'une nouvelle usine. Ça, c'était le premier volet du programme. Le deuxième volet du programme, c'était qu'on déménageait là-bas la construction des compacts et des sous-compacts. Donc, on a déjà la Fiesta et on voulait aussi déménager en 2018 la construction des Focus là-bas. Okay. OK? Ça, c'est le concept de base. Le point, c'est que jusqu'à maintenant, Ford a effectivement dit qu'il ne construirait pas leur usine, mais il n'y a pas de lien avec la construction des compacts. OK. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que les compacts, il n'y a personne qui a annoncé qu'ils ne déménageraient pas la compacte là-bas. Alors, ils vont quand même, en 2018, descendre la production des voitures compactes Ford chez les Mexicains. Fait que ça change absolument rien. La seule affaire, c'est qu'ils n'auront pas de nouvelle usine parce qu'ils ont déjà une usine là-bas qui fonctionne à 50 % de sa capacité. Donc, en ajoutant les Focus, ils vont être capables de maximiser leur investissement là-bas, tout simplement. Ouais, ça peut venir compliqué, par exemple, parce que ça te prend des lignes de montage différentes, parce que c'est pas la même voiture, mais oui. Non, ça change absolument rien. Maintenant, tout se fait sur la même ligne. Hein? Ouais, ouais, ouais. Si tu vas chez Nissan, là, au Tennessee, là, ils montent la Juke, la Leaf et la Sentra exactement sur la même ligne de montage. OK, ouais. Et on parle pas de la même affaire pantoute. Non, alors, non. Ça change absolument rien. Oui, il y a un petit peu d'investissement à faire, mais mineur. Ouais. Alors, ils vont quand même déménager les voitures compactes. Ce qu'ils ont fait, Ford, c'est qu'ils ont aussi annoncé un investissement de 700 millions de dollars à Flat Rock au Michigan, où, écoute, en plus, ils ont dit qu'ils construiraient une Mustang hybride. Oui. Ça, je n'en suis pas encore revenu. Et un F-150 hybride qui serait disponible à partir de 2020. Oui, ça commence à faire là, loin, mais oui. Ben, là, M. Trump va dire, écoutez, regardez comment j'ai forcé Ford à investir chez nous. Ça fait un an et demi que ce programme-là est annoncé par Ford. C'est un investissement total de 4,5 milliards de dollars que Ford va faire d'ici 2020 dans la construction d'une quinzaine de véhicules électriques. On le sait depuis un an et demi, ça ne change absolument rien. Ouais, c'est exactement le même programme qui avait été annoncé. Alors, ce que Ford a fait tout simplement, c'est vrai qu'ils ont annulé la construction de leur usine, mais c'est juste tout. Tout le reste était prévu et reste prévu. Par contre, ce que ça a permis de faire, c'est que Ford, qui était la cible de Donald Trump depuis le début de la campagne électorale, comme étant une compagnie qui fabriquait ses affaires ailleurs, et c'est à elle qu'on voulait imposer la surcharge, mais là, ce qu'on vient de décider, c'est qu'on vient de tourner le projecteur vers GM, mais encore une fois, c'est de l'esbrouffe. Parce que quelques heures à peine après l'annonce de Ford de dire « on ne construira pas l'usine », M. Trump s'est pété les bretelles à dire « regardez ce qu'on fait ». Maintenant, c'est au tour de GM de déménager la construction de ses Crows aux États-Unis. Sauf que ce que M. Trump a oublié de préciser, c'est que les seuls Crows qui ne sont pas assemblés aux États-Unis, c'est les Crows hatchback. Ouais. Et aux États-Unis, on en vend moins de 10 000 par année. On ne créera pas une usine et une ligne de montage pour 10 000 chars aux États-Unis, c'est pas vrai. Par contre, on fait 330 000 Crows ordinaires aux États-Unis. Mais ça, il n'en a pas parlé. Ouais. Alors, c'est vraiment, tout cet élément-là, c'est essentiellement une partie politique que Ford a joué pour être en mesure de se débarrasser de la mauvaise image que Donald Trump leur donnait, mais ils n'ont rien changé à leur stratégie de base. C'est exactement la même stratégie, c'est-à-dire que les voitures compactes et sous-compactes vont être construites au Mexique, c'est-à-dire qu'ils vont investir 4,5 milliards d'ici 2020 pour l'ajout de véhicules électriques et autonomes. Ça n'a pas changé. C'est le même projet depuis des mois et ça n'a absolument pas changé. La seule différence, en fait, c'est qu'ils viennent de sauver 1,6 milliard parce qu'ils n'auront pas besoin de construire de nouvelles usines au Mexique. Ouais, ça, ils vont pouvoir investir un peu ailleurs, mais oui. Mais, tu sais, Trump est même pas encore en position. Il rentre en position, quoi, je pense, c'est le 20 janvier, là. Oui, le 20 janvier. Ouais, puis il fait déjà des siennes, genre de voir ce que ça va donner, mais qu'il tombe vraiment comme à la présidence, là, mais... C'est ça. Puis là, la question qu'on peut se poser, une fois ça dit, cependant, c'est quel genre d'influence ça pourrait avoir au Canada? Parce qu'il faut se rappeler qu'on a des usines aussi au Canada, là. Ouais, le Edge est construit à Oakville. Toronto, ouais, c'est ça. Dans le bout de Toronto, ouais, c'est ça. Oakville. À Oakville, le Flex, l'Escape, le MKX sont construits là. Il faut rappeler que Chrysler a des usines au Canada, à Brampton, entre autres, pour le Charger et le Challenger. Ouais. Honda pour la Civic. Honda pour la Civic, mais Honda, ça, regarde, c'est une entreprise japonaise, fait que ça change rien. Ouais. Mais je prends l'autre américaine qui est GM à Oshawa. Mm-hmm. Alors, sauf qu'il y a quelques semaines, je te rappelle que les négociations ont abouti dans le cadre d'une convention collective et on a établit qu'il y aurait un investissement de 1,5 milliard de dollars canadiens au Canada au cours des prochains mois, des prochaines années pour améliorer tout ça. Alors, on verra ce que ça va donner, mais pour le moment, on n'est pas dans la cible encore de Donald Trump, donc ça ne devrait pas affecter notre vision et notre économie pour le moment. Ouais, mais si tu regardes aussi pendant sa... Puis là, on parle plus politique que d'autres choses, mais pendant sa course à la présidence, puis tout ça, il a pas arrêté de taper sur le Mexique aussi. Tu sais, on va bâtir un mur, puis on va lui faire payer le mur, puis les Mexicains, ça vient voler nos jobs, puis toute la patente, tu sais. Il a tapé sur le Mexique tout le temps, fait que c'est sûr que pour l'instant, sa cible est encore là. Il a tapé sur l'ALENA aussi, là. Oh, il oui. a tapé sur l'accord de libre-échange nord-américain dans lequel on est fortement impliqué et qui gère, entre autres, les importations de véhicules. Alors, évidemment, ça pourrait ultimement avoir un impact, mais pour le moment, on n'est pas rendu là. Et tout ça. En fait, la plus grande catastrophe de toute cette semaine-là, objectivement, c'est qu'il va y avoir une Mustang hybride. Je m'excuse, je suis toujours pas capable de concevoir qu'on va avoir un muscle car hybride, là, ça va pas dans ma tête. Ouais, je comprends pour le F-150, je comprends pour le fourgon Transit, là, parce que c'est les trois modèles qui ont été annoncés comme... Mais le F-150, ça fait déjà longtemps que c'est dans le carton, là, il y en avait parlé l'année passée. C'est juste la Mustang qui est comme nouvelle là-dedans, là. Même ouais. si quand que la nouvelle Mustang avait été annoncée, tout ça, il y avait eu des questions qui avaient été posées aux ingénieurs, puis il y avait quelqu'un qui avait dit « Ah, la nouvelle Mustang est faite pour pouvoir accepter... » toutes sortes de motorisations, puis il dit que ça soit diesel, hybride ou électrique, ou à essence. Ça fait qu'il y avait vraiment ratissé large en disant, dans la nouvelle Mustang, on peut mettre n'importe quel genre de motorisation qu'on voudrait. Donc, c'est le temps du hybride. Le hybride, là, ça sera pas un V8 de 5 litres avec un moteur électrique, ça va être le 4 cylindres turbo, probablement, avec le moteur électrique dedans, là. Mais, regarde, c'est pour aller chercher une nouvelle clientèle. On s'entend qu'ils vont en vendre, mais tu sais, le cœur de la Mustang, c'est un muscle car, c'est pas d'être une voiture verte, là, même si c'est le contraire, mais tu sais, avec les normes café puis tout ça qui sont de plus en plus difficiles à atteindre, ben plus que tu as de véhicules avec l'électrification dans ta flotte, mieux que t'es. Effectivement, c'est effectivement ça. Ouais. C'est beau, Marc, donc on va faire une petite pause puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de nos blocs d'essais de voitures. Tu vas nous parler cette semaine d'un véhicule que tu as essayé, un véhicule que j'ai conduit vraiment très, très rapidement l'été dernier. Tu as, à long terme, une Jaguar XE, donc la berline, la nouvelle berline de Jaguar en version diesel. Ouais, en fait, en long terme, c'est pour 5 semaines, bon. Il faut le préciser. Donc, ça permet, en fait, de se familiariser davantage avec le véhicule. Et honnêtement, j'ai été favorablement impressionné, mais pas dès le départ. OK. Okay? Je m'explique. La voiture, du point de vue physique, elle est super belle. Elle répond vraiment aux exigences Jaguar. Elle a vraiment la calandre caractéristique, les lignes, la nouvelle silhouette, les phares. C'est totalement une Jaguar. De ce point de vue-là, il n'y a aucun problème. Quand on la voit venir, oui, elle est un peu plus courte que les autres, mais on sent toute la présence Jaguar traditionnelle. Alors ça, c'est une très, très bonne chose. Ouais. Quand on rentre dans l'habitacle... Évidemment, c'est un habitacle qui est assez épuré, je te dirais. Il y a un immense écran. Je te dirais que c'est plus grand que ma télé dans le salon. T'as une petite télé dans le salon. Grand... Ouais, c'est ça. Il y a un grand écran, en fait, au centre, un écran multimédia. Ouais. Bon, ça va bien. C'est facile, c'est ergonomique. Ça fonctionne un peu comme une tablette, donc c'est tactile. Mais bien sûr, t'as différents éléments. Ça va, ça, c'est beau. Le tableau de bord comme tel, les cadrans, c'est facile à lire, ça se lit bien, il n'y a pas de problème. Et au centre de la console centrale, tu as la fameuse molette, là. Parce qu'il faut préciser que chez Jaguar, c'est pas un levier de transmission, mais c'est bien une espèce de roulette qui sort quand on part le moteur et que l'on tourne tout simplement pour aller vers le bon embrayage. Bon, ouais. Comme on voit dans quelques constructeurs maintenant, là, ça devient une mode, là. C'est ça. Mais Jaguar fait ça depuis longtemps. Bon, ouais, ouais. Et t'as aussi un petit, des petits boutons, là. T'sais, le contrôle de traction, tout ça. Ça, c'est le premier volet qui est physique. Ça va bien, c'est bien fait. Petit défaut, l'intérieur est un peu beaucoup en plastique à certains endroits. Je trouve ça un peu moins agréable, mais il faut quand même préciser que c'est une Jaguar à 45 000 $. Ouais, c'est ça. Donc, on n'est pas là dans le grand sommet complètement fou, là. On part vraiment de quelque chose d'intéressant et d'abordable. Alors, je pense que c'est normal que l'on ait fait certains compromis à certains endroits. L'espace arrière, écoute, j'ai un grand fiston qui est, que je vais bientôt appeler monsieur, là, parce qu'il est à l'âge d'avoir 18 ans. Il fait presque 6 pieds 3. Alors, évidemment, lui, assis à l'arrière, il trouvait que c'était un petit peu étroit. Hein? On s'entend, il a des grandes jambes. Donc, assis derrière moi, j'étais obligé d'avancer un peu mon siège, même en position de conduite, pour qu'il soit confortable. Le problème, c'est que le reste, pour moi, tu sais, qui est un peu, je dirais, plus ordinaire dans mes formats, je n'ai pas de problème assis à l'arrière. Ça va très bien et j'ai tout l'espace qu'il me faut. Bon, ça, c'est l'aspect que je te dirais le plus correct. C'est une berline intéressante, de bon format, c'est le fun. Là où au départ, j'ai eu de la misère, c'est avec le moteur. Moteur 2 litres, 4 cylindres, turbo diesel, 180 chevaux, 318 livres-pieds de couple. Tu t'attends à un peu de nervosité et les premières fois que tu l'utilises, tu n'as pas cette nervosité-là. Tu as vraiment l'impression qu'il te manque un peu de puissance, qu'il manque un peu de tu as quelque chose que tu aimerais avoir de plus. Même Mais côté couple, parce qu'un diesel est reconnu pour son couple, il manque de couple. ben, le couple est là, on le sent, mais on dirait qu'il est pas aussi présent qu'on pourrait s'y attendre. Un peu Et paresseux, OK. évidemment, à 180 chevaux, ben, on le sent très, très rapidement s'essouffler, là. OK. Ça, c'est clair. Cependant, avec la transmission 8 vitesses automatique, et avec l'usage, je t'avoue que j'ai beaucoup aimé ce moteur-là. J'ai fini par m'habituer à sa plage de puissance, à sa courbe d'accélération qui est assez linéaire malgré tout, pas aussi nerveuse que je l'aurais souhaité, mais quand même intéressante. Honnêtement, après quelques semaines d'usage, j'ai beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule-là. C'est une belle surprise, une belle découverte, d'autant plus qu'il est extrêmement économique. Écoute, malgré les temps froids, malgré le fait que c'est un rouage intégral, et ça aussi, je vais y revenir, c'est quand même à peu près un peu moins de 7 litres au 100 que j'ai réussi à faire, là. Non, ce qui est intéressant, oui. Ce qui est vraiment intéressant et très spectaculaire dans ce cas-là, là. Surtout si Alors t'as pas vraiment ça, fait j'ai attention. ah, j'ai fait zéro attention. Vraiment, honnêtement, là, c'est une voiture que j'ai roulée sans même y penser et ça fait vraiment un bon travail. Oui, c'est une diesel, évidemment, ça contribue à la diminution. Oui, il y a un petit bruit de moteur qui est un peu différent qu'on est capable de percevoir quand on est à l'extérieur, évidemment pas quand on est à l'intérieur. Mais pour le reste, on ne ressent absolument pas la différence avec le moteur diesel. C'est-à-dire qu'on le sent, comme tu dis, avec plus de couple au départ, mais tu sais, il n'y a pas comme avant, là, tu sais, les diesels qui puaient et qui faisaient du bruit de fou, là. On est très, très loin de ça. C'est donc une petite voiture qui est vraiment fort intéressante. Écoute, elle a quand même des défauts. Du point de vue ergonomique, ce que je te disais, entre autres, c'est au niveau du système multimédia, c'est le fun, ça va bien, mais il y a des commandes qui sont accessibles uniquement par le tableau central, par exemple les sièges chauffants. Ah, ça, Alors, j'aime pas ça, pour ouais. partir. Non, moi non plus. Il faut t'appuies là, il y a deux fonctions. Et malheureusement, puis écoute, c'est peut-être parce que je n'ai pas été chanceux, la voiture était presque neuve quand je l'ai eue, elle avait 300-400 km maximum. Le système a décidé, par journée de grand froid, qu'il ne s'allumait pas tout de suite. Alors, tu parles le moteur, le système reste noir, tu fais quelques centaines de mètres, parfois 1 km, et là, oups, il s'allume. Alors, évidemment, quand tu veux après aller manipuler tes sièges chauffants en roulant, c'est un peu plus, tu sais, ça exige un peu plus d'attention. Bref, c'est dans l'ensemble un véhicule que moi j'ai considéré comme très réussi. Je l'ai dit, prix de base 45 000 $, c'est pas cher pour une Jaguar. Honnêtement, après 5 semaines d'utilisation, parce que je la ramène bientôt, c'est un véhicule que je recommanderais sans aucune hésitation à quelqu'un qui aime ce genre de comportement-là. Parce que faut dire que c'est une structure en aluminium, c'est très léger, c'est très maniable aussi, là. Donc, ça permet vraiment là, une conduite agréable et amusante. Et rouage intégral, écoute, honnêtement, j'ai tout fait pour essayer de le faire décrocher et j'ai pas été capable. Je suis même allé dans des stationnements fermés où j'avais l'autorisation au moment où il y avait plein de neige. Et entre toi et moi, j'ai jamais été capable de le faire vraiment décrocher comme j'aurais voulu, là. Un petit peu, là, mais le rouage intégral réagit très, très rapidement. Honnêtement, c'est une belle, belle, belle découverte. Pour moi, en tout cas, c'est un plus assuré. Moi, j'avais essayé la version à essence là, dans le court temps, puis j'avais trouvé que le moteur, c'était une berline sportive, elle répondait très bien dans les courbes et ces choses-là. J'avais été passablement impressionné. Fait que j'espère avoir la chance de l'essayer un petit peu plus longtemps qu'un 15 minutes derrière le volant. On verra bien à un moment donné. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé. Sincèrement, là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Oui, belle bagnole. Effectivement. Et toi, t'as essayé quoi, mon cher? Moi, j'ai essayé quelque chose d'un petit peu plus gros. J'ai essayé le GMC Acadia. la version Denali, donc la version la plus cossue du Acadia. J'avais la version 7 passagers, tranche de vie. Je l'ai eu avant le temps des fêtes. J'ai été la reporter la dernière semaine avant Noël. Donc, puis après ça, j'ai été chercher une Hyundai Elantra que j'ai eu tout le temps des fêtes, que je suis allé reporter au début de cette semaine. Puis je vais vous en parler la semaine prochaine. Mais Je veux juste l'Acadia. te dire qu'après toi, l'Acadia, c'est moi qui l'avais. Oui, c'est toi qui l'as. Il était propre, il était correct, oui, hein? Tout était beau. Tout à fait correct, il n'y a pas de problème. C'est bon. Donc, c'est ça. Donc, j'ai eu ce véhicule-là. Et puis, ça a été la semaine où on avait notre party de Noël au bureau. Donc, moi, en tant que bon samaritain, j'envoie un courriel le matin du party de Noël. C'était un dîner de Noël qu'on avait. On s'en allait dans un restaurant. Puis j'ai envoyé un courriel à mes collègues en disant, bon, ben moi, j'ai un 6 passagers cette semaine. Donc, si ça vous intéresse, ben je peux embarquer 5 autres personnes parce que bon, c'est moi qui conduis, là. Mais que j'ai de la place pour 5 personnes. Donc, ceux que ça intéresse puis ils veulent pas conduire pour aller au dîner, ben faites-moi signe. Ça a pris à peu près une demi-heure avant que j'aie des réponses. Mais un coup, j'ai eu des réponses. Le char s'est rempli en dedans de 5 minutes. Donc, on est parti avec la Acadia, avec, je dirais, 6 hommes matures, dont certains de corpulence plus Un peu plus élevée, que la un moyenne, peu mettons. plus la moyenne, c'est ça. Et puis, ça a été vraiment agréable. OK, ceux qui étaient assis dans la dernière rangée s'y rendent, c'était légèrement compliqué, le bouger les sièges, puis être capable de passer entre les sièges pour se rendre à l'arrière. C'est vraiment pour les enfants, là, et les personnes plus jeunes. Les adultes ont réussi, mais pas sans difficulté. Mais un coup assis, ils disaient qu'il était confortable. Mais tu sais, ça commence à faire loin quand tu es assis en arrière dans l'autobus, là, ça commence à faire loin. Mais ça a été agréable. On s'est rendu, on a été dîner, on est revenu. Ils ont été gentils. Ceux qui étaient assis dans la deuxième rangée ont été dans la troisième rangée pour revenir et le contraire. Donc, ils ont pu essayer les différentes places assises. Mais tout le monde a vraiment aimer le véhicule, trouver ça bien. Il y a des sièges chauffants. Personnellement, j'ai pas été m'asseoir jusqu'en arrière, mais je pense qu'il y a des sièges chauffants partout. Il y a même des prises d'air pour la climatisation, donc pour mettre du chauffage, qui se rend jusqu'en arrière. Donc, tout le monde est confortable. Tout le monde a sa place assise. Faut juste dire que un coup que les sièges sont tous en position pour asseoir des gens, là, il reste plus grand coffre. Je suis parti ce week-end-là avec ma conjointe. On se faisait une petite fin de semaine tranquille, vu l'année tumultueuse qu'on a eue. On est parti en fin de semaine tranquille. Et puis quand je suis arrivé pour mettre les bagages dans le coffre, je me suis aperçu que ben si je descendais pas les bancs, il restait pas beaucoup de place. On a à peu près la largeur d'un sac, tu sais, les sacs de sport, là. On a à peu près cette largeur-là qui reste entre la porte du coffre et puis les sièges. Fait que c'est vraiment, là, faut baisser les sièges. Donc, on Ouais, n'embarque mais pas six je peux te personnes dire, sur moi, un que long voyage, là. non, moi, je n'ai même pas été capable de remplir l'épicerie des fêtes dans la voiture avec les sièges relevés. J'ai été obligé de baisser. OK, ouais, c'est ça. C'est C'est vraiment vraiment. petit, mais c'est fait. Tu transportes ou du monde ou du bagage, là. C'est Ouais, mais pas. tu sais, c'est le cas des minivans aussi, hein. Bon, oui. Une grande caravane, une Honda Odyssey, une fois que tu as du monde partout, tu peux pas vraiment traîner de bagages en arrière. C'est pour ça que les gros, ceux qui ont vraiment besoin de 6 ou 7 places, vont aller chercher des gros expeditions ou des trucs comme ça Ouais. pour être en mesure de transporter à la fois le bagage et les passagers, là. C'est ça. Mais si vous êtes quatre avec les sièges arrière rabattus pour, t'sais, pour le bagage, c'est très, très fonctionnel, là. Il y a en masse de place. C'est un véhicule qui est confortable. Bon, c'est une version Denali, fait que j'avais extérieur rouge Bourgogne, mais tu l'as vu, Marc, avec intérieur Oui. beige. Très joli, ça fait très cossu, très confortable aussi, les sièges sont confortables et tout ça. Traction intégrale. T'sais, de base, l'Acadia, c'est un véhicule à 35 000, bon, 95 $, mettons 36 000 $, 35 100 $ de base. Ça monte assez vite parce que quand on va chercher la version Denali, donc la version que moi j'avais, là on tombe à un véhicule qui est beaucoup plus dispendieux. On parle d'un véhicule qui était 65 000 $, là. Donc on Oui. parle, Il y a, t'sais. il y a des, il y a des éléments quand même qu'il faut mentionner. Un, entre autres, parce que c'est l'Acadia qui a été le premier à le recevoir. Ouais. C'est le premier véhicule GM à recevoir le fameux système de détection d'enfants à l'arrière. Ouais. Je sais pas si tu as eu l'occasion de l'essayer. Non, j'ai pas eu le temps d'essayer, puis il y a pas, tu sais, j'avais pas laissé rien sur le siège arrière, j'avais pas laissé personne sur le siège arrière, fait que non, j'ai pas entendu le système fonctionner. Ben, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est très simple. C'est que si tu as ouvert la porte arrière, 5 à 10 minutes avant le départ, que tu l'as refermé, quand tu arrives à destination, quand tu débarques, si tu ne réouvres pas la porte arrière, la voiture t'avertit. OK. Ça veut dire, hey, le grand, t'avais mis quelque chose tantôt, n'importe quoi, là. Ça peut être un chien comme ta valise, là, comme un enfant, et ça t'avertit. Donc, j'ai trouvé que le système qui est vraiment pas compliqué à comprendre, qui est vraiment super facile à utiliser, et moi, je l'ai testé et ça fonctionne très bien, là. OK. Non, c'est ça. C'était une chose intéressante. On en avait déjà parlé, là. C'est une technologie intéressante pour pas oublier ton enfant sur le siège arrière ou des choses comme C'est ça. ça. Mais comme je te dis, j'en avais parlé, mais je n'avais pas eu l'occasion de le tester. Ouais. J'ai profité du temps des fêtes là, pour essayer ça. Et honnêtement, ça fonctionne plutôt bien. C'est intéressant comme concept. Fait que t'as assis Mais ton comme gars tu de 6 dis, pieds 3 en arrière, t'as dit reste là. Papa va non, revenir. Non? OK. j'avais mis ma valise. Mon gars, OK. je pourrais le retenir. Il est plus grand, plus gros que moi. Fait que oublie OK, ça. ouais. Il y a des affaires à un moment donné qu'on comprend dans la vie et qu'on laisse tomber, là. Ouais. Ça s'appelle lâcher prise. C'est ça. Mais c'est ça, c'est un véhicule très complet, très bien équipé, très confortable, très stable dans des conditions un peu moins avantageuses. Des fois, je l'ai eu un peu dans une tempête de neige, puis ça se comportait hyper bien, là. Fait que c'est un excellent véhicule. Tu sais, le Denali de base à traction intégrale est 54 695 $. Puis là, si je rajoute les options que j'avais, comme le toit panoramique, puis l'ensemble technologie, là, qui a le régulateur de vitesse adaptatif, puis des choses comme ça, là, on monte à 62 245 $, là, avec le transport et destination et tout ça, là. Fait que c'est un véhicule qui est assez dispendieux. Vous pouvez l'avoir moins cher, par exemple, mais c'est un véhicule qui est confortable. J'ai beaucoup Oui, aimé. mais tu savais que plus de 60% des Acadia vendus sont des Denali ou à peu près, là. Oui, j'imagine quand tu es rendu à ce type de véhicule-là, tu vas te chercher du luxe et Mais c'est. c'est pour ça d'ailleurs que des compagnies comme Mazda ont fait le CX-9 en version signature, là, en version beaucoup plus sophistiquée et raffinée, parce que les gens qui s'achètent ce genre de gros véhicule-là n'hésitent pas à mettre quelques milliers de dollars de plus pour avoir un peu plus de luxe, là. Ouais. Et j'ai aussi essayé, on l'avait essayé dans la Cruze, mais j'ai aussi réessayé l'espèce de 4G LTE là, pour brancher les cellulaires. À un moment donné, j'ai tout enlevé le réseau sur mon cellulaire. Je me suis branché sur l'Acadia, puis t'es revenu comme si tu étais en ligne sur le Wi-Fi chez vous. Donc ça fonctionne très bien ça aussi, mais il y a un coût à tout ça, on en avait déjà parlé. Mais c'est un système qui C'est ça. Les fonctionne très bien. trois premiers mois sont gratuits, mais Ouais. après ça, Ouais. ça, mettons que ça coûte assez cher. C'est ça. Mais si ça vous intéresse, regardez, allez-y. C'est quand même le fun à avoir. Si vous voulez toujours être connecté, puis vous avez une limite de bande passante entre votre téléphone ou un téléphone qui n'a pas de forfait de données, ben ça peut toujours comme être un plan B. Mais non, très bon véhicule. J'ai beaucoup apprécié ben peut-être pas si petit Acadia Denali 4 roues motrices. Non, vraiment pas si petit, en fait. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir. Ben, je vais revenir avec une entrevue avec notre ami Bertrand Godin, qui va nous parler du Salon de l'Auto de Montréal 2017 qui s'en vient là, dans quelques semaines. Alors, nous sommes de retour et je suis avec un homme que je dois avouer que j'aime beaucoup, un homme qui est toujours très, très gentil, très, très sympathique. C'est le porte-parole du Salon de l'Auto de Montréal depuis plus longtemps que je peux m'en rappeler. Et c'est Bertrand Godin. Salut, Bertrand. Hey, salut Luc. Hey, tu dois être bon pour qu'il te garde depuis si longtemps que ça. Hey, ouais, non, ben c'est juste ma 16e année, pourtant. Juste ça. Ouais, ben oui, 16e salon. Écoute, moi, je me souviens quand j'avais été approché à l'époque, je pensais, je vais l'être un an, 2 ans peut-être, mais jamais j'aurais prédit 16e édition. Écoute, pour moi, ben, chaque année, là, c'est simple, c'est le Noël de l'automobile. Je suis tellement fier de pouvoir faire partie d'une équipe qui travaille fort pour pouvoir présenter un salon extraordinaire. Et puis, pour moi, ben, c'est un privilège de pouvoir partager la passion de l'automobile avec les gens. Oui, parce que t'es là souvent. Nous autres, moi, j'ai le privilège d'être là la journée des médias. Fait que c'est sûr que t'es là la journée des médias. Nous autres, on va être là le 19 janvier. Puis comme j'ai dit aux gens, je vais faire du Facebook Live au courant de la journée. Fait que ça se peut que je t'accroche un moment donné pour dire bonjour au monde si t'as 2 minutes. Certain. Mais tu sais, fait que nous autres, c'est le 19, on va avoir les dévoilements et tout ça, mais les gens peuvent y aller, eux autres, du 20 au 29 janvier. C'est toujours au Palais des Congrès. Comme tu disais, c'est une belle organisation. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans. On voit pas tout le travail que ça prend aussi pour faire ça. Toi, t'es le porte-parole. C'est quoi ton rôle? On va-tu voir des publicités de Bertrand Godin à la télévision encore cette année? À date, j'en ai Non. pas vu, non? Non, il n'y aura pas de publicité là, de mon côté. Ça va être vraiment là, le fait de pouvoir partager l'automobile à travers bon, naturellement les réseaux sociaux, aussi les médias, mais et de faire partie vraiment intégrante du salon parce que je vais être là à tous les jours. Et puis j'ai bien aimé ton introduction par rapport au fait que c'est une grosse équipe parce que quand on regarde ça, c'est plus de 2 km là qu'on a à pouvoir marcher là, pour pouvoir se délecter visuellement là, de l'automobile pendant toute cette période-là. Ouais, puis c'est une belle place pour aller, tu sais, t'es sur le marché puis t'as magasiné une voiture, là. Au lieu d'aller faire 15 concessionnaires, ben tu vas au salon de l'auto, tu es à chaleur à l'intérieur, tu peux prendre ton temps, tu peux t'asseoir dans les voitures, tu n'auras pas nécessairement de vendeurs qui vont venir t'accrocher aux 2 minutes pour voir s'ils peuvent te vendre un certain modèle au lieu d'un autre. Tu peux prendre ton temps, prendre des photos, prendre de la littérature, c'est prendre des petits livres, avec toutes les informations, puis tu retournes chez vous, après ça, tu peux faire ton choix. À tête reposée, sans nécessairement de pression. C'est ce que j'aime du salon de l'auto. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre du salon cette année? On a-tu encore la garderie Kia ou quelqu'un Non, d'autre a pris ça? Non? Il n'y a plus de la garderie? garderie n'est pas là. Ce qui vraiment marque le salon cette année, c'est qu'on a 5 premières nord-américaines. Et OK. ça, c'est quand même assez extraordinaire. On a 35 présentations canadiennes, une attraction spéciale, une présentation spéciale. On a aussi naturellement la zone performance qui revient et qui est extrêmement populaire. Écoute, cette année, on va avoir quand même là, 32 véhicules des années 30 allés à 2016, tous plus modifiés les uns que les autres. Donc, ça va être fort intéressant. Moi, personnellement, ben, c'est sûr que le salon s'est fait aussi pour rêver lorsqu'on regarde tous les manufacturiers, les grands noms comme Ferrari, Lamborghini, Porsche et j'en passe, vont tous être présents. Donc, c'est vrai que c'est l'endroit aussi pour pouvoir magasiner. Moi, j'ai hâte de voir les concepts. Je suis très, très attiré par les concepts. Puis on le sait, l'automobile évolue à grands pas. Donc, c'est pourquoi là que il y a tellement de raisons d'aller au salon de l'auto pour pouvoir s'amuser et passer vraiment du bon temps au Palais des Congrès. Ouais, c'est le fun à chaque année. Moi, c'est comme tu disais, c'est le Noël de l'automobile. C'est vraiment le temps, tu sais, qu'on prend pour, tu sais, aller admirer, tu sais, des voitures que, tu rentres pas. En tout cas, moi, je rentrerai pas. Peut-être toi, oui, là. Moi, j'irai pas dans un concessionnaire Ferrari pour aller voir la dernière 458 ou, tu sais, aller voir les derniers modèles parce que tu le sais que t'as pas les moyens, puis que le vendeur le sait que t'as pas les moyens quand tu rentres, tu sais. Tandis que là, ben, tu sais, au salon de l'auto, ben, ils sont là pour être montrés au grand public. Fait qu'il n'y a pas de pression à être obligé de signer un chèque que tu peux pas payer au bout de la ligne, tu sais. Fait que il y a toujours ça qui est intéressant, là. Ah ben tout à fait. Et puis souvent, moi, ce que je remarque, c'est que les gens qui sont au palais, bien, il y a énormément d'échanges, les discussions sur les préférences, parce qu'il faut le dire, hein, aujourd'hui, des mauvaises voitures, il n'y en a pas vraiment. Je vous dirais qu'il y a plus des mauvais choix. Et puis pour faire un choix éclairé, ben il n'y a rien de mieux que le salon. Ouais. Ouais, parce qu'ils sont toutes là, peu importe le modèle que vous cherchez, normalement sont là. Puis on est quand même assez chanceux à Montréal. Normalement, tous les fabricants sont ici. On a vu des fois des années en Europe, tu vois au Salon de Paris, il y a des constructeurs qui sont juste pas là. Ou des fois à Détroit, il y avait des constructeurs qui étaient pas là. À Montréal, on est quand même assez chanceux. Normalement, tous les constructeurs sont là, fait que ça permet vraiment de voir, tu sais, tous les modèles de tous les fabricants qui sont disponibles là, ici au Québec ou au Canada. Fait qu'il y a quand même ça d'intéressant. C'est un salon qui a l'air apprécié par les constructeurs aussi, pas juste par le public. Oui, puis ça, c'est la preuve pour laquelle on a quand même 5 premières nord-américaines. Mais quand on parle aussi de l'évolution de la voiture, ben on a toujours les essais électriques. CA va quand même présenter 9 voitures que les gens vont pouvoir essayer. Donc, ça, c'est quand même fort intéressant. Et puis, ben c'est ça, je pense que ça passe toujours vite, ces 10 journées-là au Palais des Congrès. Moi, je suis surpris parce que quand on commence, on se dit, hey, moi, ça va être long, mais finalement, le temps passe tellement vite quand on est au salon de l'auto. Moi, c'est sûr. Surtout quand tu es un passionné, c'est sûr pour quelqu'un que l'automobile l'intéresse plus ou moins. ben tu vas là, tu sais, dans l'idée de moi, je vais aller voir trois modèles, puis je vais sortir, t'sais. Mais si on prend le temps de faire le tour, on peut passer une journée complète là, au salon à tout regarder, là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles, puis beaucoup de constructeurs sur plusieurs étages avec différentes choses à voir. Il y a aussi, encore cette année, j'imagine qu'on va avoir il va y avoir des revendeurs, donc du monde qui vont vendre certains produits comme des voitures miniatures, des choses comme ça continue toujours, ça? Ah ben toujours. Et puis en plus de ça, ben, ce qui va être intéressant, il y a certains manufacturiers maintenant qui vont avoir la réalité virtuelle pour faire essayer certaines voitures. Il y a un kiosque où vous allez pouvoir faire un tour dans une GTR avec moi comme conducteur. Donc, avec l'expérience aussi d'e-box. Donc, ça va être vraiment fort intéressant. J'ai bien hâte là, qu'on puisse parler de tout ça et puis que les gens me donnent leurs impressions. Ouais, j'espère que ça va être disponible la journée de la presse aussi, pas juste pour le public. Je penserais bien. Ça, j'ai pas cette information-là, mais ouais, parce que souvent la zone, justement, là, au niveau des articles promotionnels et donc ça, souvent la journée de la presse, c'est fermé, mais le grand public, eux, ils vont y avoir accès, ça c'est garanti. OK. Ben, au pire, il faut que j'y retourne puis je fasse un tour de GTR avec toi. Ah oui. Non, mais moi j'ai hâte de me faire faire un tour. De te faire un tour par toi-même? D'après moi, je vais avoir peur. Ça me surprendrait. Je pense que t'es un bon conducteur. Je pense pas qu'il y ait trop à avoir peur. Ouais, c'est pas moi qui va conduire. Ouais, OK. C'est un fait. Y a-tu d'autres choses qu'on peut s'attendre à voir? Est-ce qu'on peut parler des nouveautés nord-américaines ou c'est encore sous embargo? C'est encore sous embargo. Donc, c'est la raison là, pour laquelle on peut pas nommer les véhicules, les premières nord-américaines. Mais écoutez, quand on parle quand même, il va y avoir 35 premières canadiennes aussi dans l'eau. Donc, je peux vous dire qu'il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. Là. Puis, comme on disait, là, de pouvoir comparer les modèles, ça va être fort intéressant. Oui, c'est ça. Puis on va sûrement pouvoir avoir des modèles qui ont été lancés après le Salon de Montréal l'année passée. Je pense à la Chevrolet Bolt qui avait été lancée à Toronto, qui a été aussi à Québec, mais qui n'avait pas été à Montréal parce qu'elle était à Détroit dans ce temps-là. Donc, elle va être à Montréal. Donc, les gens qui sont intéressés à voir ce type de voiture-là, ben, vont pouvoir l'avoir cette année au Salon. C'est pas une nouveauté, mais pour Montréal, c'en est une. Tout à fait. Oui. Fait que non, c'est j'ai bien hâte. Moi aussi, c'est mon petit bonbon à chaque année. J'y allais à chaque année avant d'être journaliste, avant d'aller là pour la journée de la presse. Mais tu sais, pour la journée de la presse, c'est encore plus le fun parce qu'il y a moins de monde. Puis ça nous permet de rencontrer du monde, c'est genre comme Bertrand Godin puis d'autres journalistes, c'est comme ça. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Bertrand, je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps. Venez nous parler du Salon de l'Auto. Donc, on rappelle aux gens les dates. C'est du... Oui. Du 20 au 29 janvier au Palais des Congrès de Montréal. Et bon, ça rouvre à 9h30 jusqu'à... non, de 10h à 9h30. Ça, c'est à tous les jours. Donc, profitez-en. C'est le Noël de l'automobile. Oui, puis j'imagine si les gens achètent leurs billets en ligne, y a-t-il encore un rabais cette année si tu achètes tes billets d'avance en ligne plutôt que sur place? Vu qu'on s'en vient très près, allez sur Automontréal, salonautomontréal.com pour avoir plus de détails à ce sujet-là. Mais bon, les prix, c'est toujours 16 $ pour l'admission générale pour les plus de 13 ans. Pour les 6 à 12 ans, c'est 6 $. Gratuit pour les 5 ans et moins. Donc, pour les personnes de 65 ans et plus, ben c'est 13 $. Et il y a toujours le forfait familial à 38 $. Ah, c'est bon. Donc, si vous y allez à deux adultes, deux enfants, là, ça, je regarde, deux adultes, deux enfants, 38 $. C'est quand même pas pire. Puis, on passe une belle journée au chaud, pas dans la neige, et à voir de belles voitures et à rencontrer Bertrand Godin. Ben, ça va me faire vraiment plaisir de rencontrer les gens puis de pouvoir parler de leur coup de cœur et de leur choix surtout. Super. Ben, Bertrand, je te remercie encore une fois d'avoir pris du temps à venir de parler de ce Salon de l'Auto avec nous autres, Salon de l'Auto 2017. Puis ben moi, je vais aller te serrer la pince jeudi le 19 pour la journée média. Puis je dis aux gens, ben allez visiter le salon. Puis si vous croisez Bertrand, ben dites-y bonjour. C'est un gars hyper sympathique. Toujours le fun de jaser avec toi, Bertrand. Ben je peux dire la même chose de toi, Luc. Merci, puis j'ai hâte de te rencontrer. Super. Merci, Bertrand. Bonne soirée. Salut. Alors, on fait une petite pause, puis on retrouve Mac avec le bloc nouvelles. Alors, nous sommes de retour et Marc, c'est l'heure de notre bloc nouvelle. On va couvrir le CES, qui est le Consumer Electronics Show qui commence à Las Vegas. Là, c'est pas mal la première journée pleine. Qu'est-ce qui retient ton attention à cette espèce d'exposition d'appareils électroniques et tout ça, mais les constructeurs sont de plus en plus présents. Ouais, c'est presque devenu un autre salon de l'auto, en fait, là, tellement il y a des constructeurs sur place. Et évidemment, la raison de ça, c'est que dans les voitures, maintenant, on a de plus en plus de systèmes électroniques embarqués, tu le sais, et évidemment, c'est là qu'on fait la démonstration. Par exemple, c'est là que Hyundai a choisi de présenter sa Ioniq autonome. Particulier parce qu'on n'a pas encore la Hyundai Ioniq. Non. Elle va arriver bientôt chez nous. Il faut le rappeler, la Ioniq, là, c'est une voiture qui va être disponible en plusieurs versions, mais toujours avec un mode électrifié. Hybride branchable ou 100% électrique, mais donc c'est trois déclinaisons qu'on va avoir. Et là, on a vraiment là-bas présenté une Ioniq autonome. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a l'air d'une Ioniq ordinaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas, tu sais, la plupart des voitures autonomes qu'on a vues jusqu'à maintenant ont des radars montés 8 pieds dans les airs, là, puis ils ont toutes sortes d'affaires autour. Elle, tout a été intégré à l'intérieur du pare-choc notamment et du pare-brise. Il y a une douzaine de capteurs, il y a des systèmes qu'on appelle LIDAR. LIDAR, là, c'est des systèmes de laser qui permettent de voir même dans le noir, en fait. Okay. Donc, ce système-là, tous ces systèmes-là ont été installés sur la Ioniq. Et on a pu rouler, ben je dis on, j'y étais pas, mais les gens ont pu faire des tests dans les rues de Las Vegas avec la voiture. Cependant, c'est assez particulier parce que à peu près tout le monde qui a testé la voiture ou qui a testé une des voitures autonomes a eu le même commentaire. On a l'impression d'être dans une voiture avec un jeune qui commence à conduire. Les freinages sont trop brusques, les changements de voie sont bizarres. Bref, c'est pas tout à fait au point. Et d'ailleurs, Hyundai dit on ne sait pas encore à quel moment on va être prêt à commercialiser une voiture comme celle-là. Mais sachez que la Ioniq autonome existe. Ouais, c'est une question de peaufinage, là. La technologie est là. Il s'agit de faire fonctionner ça pour qu'on se fasse pas trop brasser. Oui, sauf que là, tu sais, moi, je vis dans une ville, par exemple, où l'hiver, on met pas d'abrasif. On ne fait que déblayer un peu. Les rues sont entièrement glacées et recouvertes. Je suis pas sûr que les systèmes seraient suffisamment perfectionnés pour être en mesure de réagir. Non, faut que tu vois les lignes sur la route. Faut que tu vois certaines choses. C'est pour ça que la technologie, elle est pas encore tout à fait là. Donc, c'est assez évident. Ouais. Ce qui était particulier aussi chez Hyundai, par contre, c'est qu'on a présenté une espèce d'exosquelette. Ça n'a rien à voir avec l'automobile, là, mais c'est Hyundai qui l'a fait. Alors, je voulais en parler. C'est une espèce de système dans lequel un homme peut se glisser et ça multiplie ses forces. Donc, ça existe déjà dans certaines manufactures. On est capable donc de créer un surhomme, si tu veux, avec un exosquelette. J'ai trouvé ça très particulier. Ouais, un peu comme dans certains jeux vidéo où on se sert ça pour la guerre, là, tu sais, des gens des mecs ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Okay. Exactement. Parmi les autres nouveautés qu'il fallait surveiller, bien sûr, la FF91. Oui. La FF91, c'est quoi? Ben, c'est la voiture de Faraday. On dit que c'est une voiture qui est prête pour la production. C'est une espèce d'utilitaire sport qui est construit sur la VPA, la Variable Platform Architecture, c'est-à-dire la plateforme qui sert à Faraday pour l'ensemble de ses modèles. On le rappelle, Faraday, c'est une compagnie qui a fait un gros plat l'année passée en présentant une voiture de fou qui était un prototype, mais finalement, ça n'a pas vraiment rien donné jusqu'à maintenant. Là, on a vu la voiture, la FF91. Écoute, on parle de 1050 chevaux, d'un 0-100 en 2,39 secondes, je m'excuse. C'est hyper rapide. Évidemment, 100% électrique. On parle de 1328 livres-pieds de couple pour un rouage intégral, bien entendu. 13 radars, 12 capteurs ultrasoniques, 10 caméras, rondelles LIDAR. Donc, ça permet d'être presque autonome. Bref, c'est une voiture qui est complètement folle. Elle est actuellement... Tu peux la commander si ça te tente. Ouais. Parce qu'on dit qu'elle sera prête pour une commercialisation en 2018. Tu dois faire un dépôt de 5 000 $ qui est remboursable en passant, si jamais tu changes d'idée. Non. On estime que la voiture va valoir à peu près 200 000 $US. Là. Donc, c'est plus cher qu'une Tesla. C'est beaucoup de gens disent Faraday Future, c'est comme la compagnie qui va venir concurrencer Tesla. J'ai un peu de misère avec ça, je suis pas certain. Surtout dans le design, là, j'ai vu la voiture un peu sur Facebook, des choses comme ça. J'ai pas trouvé que c'était une voiture qui était tellement belle. On dirait un mauvais rendu d'une BMW i8 dans certains angles. Là. Je tripe pas dessus. Là. Je me commandais une Tesla avant ça. Là. Ouais. C'est plus gros parce que c'est quand même un utilitaire sport. Bon, ouais. C'est plus un combat. C'est plus un combat contre la Model X que contre la Model S, là. Ouais. Puis moi, la Model X, je la trouve pas particulièrement réussie. Non, moi non plus. Fait que c'est sûr que oui, c'est un autre monde, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à suivre. Sauf que la question, c'est Faraday. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir le financement pour faire tout ça? C'est une compagnie dont le financement est chinois, mais un peu obscur. Puis, tu sais, là, c'est pas clair comme façon de faire. On verra ce que ça va donner. En tout cas, pour le moment, c'est là qu'on s'en va. Il était pas sur le bord de la faillite aussi, Faraday, à un moment donné. C'est comme, ouais, ça marchait là, pas. Sont revenus, puis là, en tout cas. Ouais. Bref, c'est pour ça que je te dis, là, c'est pour le moment, c'est intéressant, mais on n'est pas trop sûr de ce que ça va donner. En tout cas, ouais. C'est bien spécial. Ouais. Une autre voiture qui a été présentée aussi là-bas, c'est la BMW eFuture. C'est une espèce de concept en bois en partie, qui est à la fois un catamaran, une voiture. Bref, ça voulait pas dire grand-chose. C'est juste une expression encore, surtout une expression de design pour ça. Alors, je pense que c'est pas pour le moment, là, c'est plus pour le show, là. Alors, ça fait pas mal le tour, je te dirais, de ce qu'on nous a présenté au CES cette année. Une année qui n'était pas particulièrement faste, il faut le dire, au niveau automobile, même si on en a beaucoup parlé, là. C'était pas particulièrement faste. On sait qu'Audi, d'habitude, est toujours là. Il y a plein d'autres compagnies, mais là, on les a pas encore vues. On verra ce que ça va donner, peut-être au cours des prochains jours, mais pour l'instant, il n'y a rien de plus qui a été annoncé au CES. Bon, est-ce que j'ai entendu dire, puis là, quand je dis ça, j'ai vu passer ça sur Facebook, Carlos Ghosn serait là ce soir à 17h, heure de Vegas, pour annoncer quelque chose. Oui, effectivement. C'est ce qu'on a entendu aussi, mais on n'en sait pas plus. Oui, je sais qu'il va être là, c'est clair, parce qu'on m'avait invité à aller le rencontrer, mais j'ai eu des empêchements, donc j'ai pas pu y aller. Mais il y aura effectivement une présence de Carlos Ghosn qui va faire une annonce en direct de Las Vegas aujourd'hui même. Ouais, la rumeur serait la nouvelle Leaf, puis peut-être une sous-compacte basée sur la même technologie de voiture électrique que la Leaf, là, mais c'est ça. Serait-ce finalement la Micra électrique qu'on attendait? Ben, je pense que oui, là. Je pense que c'est là qu'ils n'ont pas bien le choix d'aller par là parce qu'ils sont rendus là, du côté de Nissan, là. Mais on va voir ce que ça va donner plus à fond ce soir. Ouais, c'est ça, parce que je regardais vite aussi, puis ça m'a un peu surpris. Je regardais vite un peu ce qui s'est passé au CES hier soir, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle un keynote, là. C'était le PDG et fondateur de Nvidia qui était là. Nvidia qui est reconnue comme une compagnie qui fait des cartes pour les ordinateurs, pour les jeux vidéo, des cartes graphiques, des choses comme ça. Mais c'est étonnant de s'apercevoir qu'ils sont dans beaucoup plus que ça. Et puis l'industrie est en train d'utiliser un des processeurs que Nvidia a inventé pour faire de l'intelligence artificielle. Puis là, ils parlaient des implications de ce processeur-là dans différents spectres de l'industrie. Et puis ils parlaient justement de voitures et de voitures autonomes et que le processeur qu'ils ont, c'est de l'intelligence artificielle qui est capable d'apprendre. Donc, elle serait capable d'apprendre à conduire en regardant l'être humain conduire. J'espère qu'ils vont choisir les gens que l'ordinateur va apprendre d'eux. Tu sais, fait que c'est quelque chose qui s'en va dans l'automobile, là. Fait que l'intelligence artificielle voiture qui va être capable d'apprendre à conduire. Puis c'est un processeur qui est capable d'auto-apprendre, puis même qui est capable de auto-écrire du code. Fait que, tu sais, ça prend un être humain normalement pour écrire le code de programmation. Ouais. Ben, avec ce processeur-là, c'est un processeur qui est capable d'apprendre puis qui serait capable de générer du code pour régler un problème qu'il aurait trouvé à l'intérieur de son propre code, quelque chose comme ça. Fait que je regardais ça puis je pensais avec un petit sourire en coin que Skynet s'en venait, là. Pour ceux qui connaissent pas Skynet, c'est l'ordinateur qui a détruit l'humanité dans Terminator. Mais si on est rendu au point où il y a des ordinateurs qui sont capables d'auto-apprendre et de s'auto-reprogrammer, ça pourrait devenir bizarre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, le CIS a aussi permis toutes sortes d'affaires, tu sais. Là, tu parles de Nvidia. Il y a Microsoft qui s'est directement associé avec Toyota, par exemple, pour aller contrer tout ce que Apple a fait et tout ce que Google a fait en matière de voitures autonomes et qui sont, semble-t-il, en train de développer des logiciels qui seraient un peu du même genre, capables d'auto-apprendre et de s'auto-développer pour améliorer leurs capacités. Mm-hmm. Dans la série des détails, j'ai fouillé dans mes notes et peut-être que je ne suis pas supposé dire ça, mais je vais le dire quand même. Nissan au CES, en fait, il y a effectivement une présentation par Carlos Ghosn, mais on va surtout y présenter ce qu'on appelle le Seamless Autonomous Mobility. C'est un système qui est développé avec en collaboration avec la NASA pour Nissan pour avoir des voitures autonomes. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on va présenter parce qu'on a équipé deux véhicules, la Nissan IDS Concept et le Murano, avec ce système-là. Donc, c'est ça qu'on va présenter ce soir, entre autres, ainsi que le HMI Revolution, c'est-à-dire un nouveau système de son fait avec Microsoft Cortana et Bose. C'est donc ce qui va être prévu pour ça. OK. Bon, on verra un coup son passage fait au CES ce soir. C'est supposé, ce soir, c'est jeudi. Par le temps que l'émission va tomber en ligne, ça va être passé. Vous allez pouvoir retrouver ça sur Facebook ou ailleurs. Là. Vous allez pouvoir aller regarder ça si vous voulez. Marc, on va terminer là-dessus. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? auto@cgacable.ca, cgacable.ca, bien sûr, c'est le meilleur moyen. Sur Twitter, Marc Souligné Bouchard, c'est encore facile. Sur Facebook, bien entendu. Et l'émission va arriver vendredi, mais je vous dirais qu'à partir de lundi, si vous allez voir sur un site qui s'appelle marcbouchard.ca, vous allez tomber sur mon blog, mon nouveau site que je suis en train de développer, sur lequel, entre autres, on va mettre aussi les podcasts Ça roule et les émissions de télé que je fais qui s'appellent Ça roule. Super. Aussi, si vous voulez nous rejoindre tous les deux, donc vous envoyez des petits courriels. Gênez-vous pas, envoyez-nous un courriel. Vous êtes qui? Vous écoutez comment? Vous venez de où? C'est le fun de savoir c'est qui nos auditeurs. info@saroule-radio.com. Il y a le site saroule-radio.com. On a un compte Twitter, Ça roule radio. Une page Facebook, Ça roule radio aussi. Venez nous poser des questions. Je vais faire du Facebook Live au Salon de l'Auto de Montréal. Je vais faire ma première expérience Facebook Live. Ça vous tente de regarder ça à partir du matin de bonne heure, aller jusqu'à à peu près 2-3 heures de l'après-midi. Je vais faire du Facebook Live pour couvrir le Salon de l'Auto de Montréal, la journée de la presse. Je vous donnerai les dates et les heures plus précises la semaine prochaine. Et puis moi, vous pouvez me rejoindre sur Twitter à Scalazormo. Et puis, on est disponible sur iTunes, Google Play et de radio web aussi, Radio H2O, Radio Highway et sportradio.ca. Donc là-dessus, merci encore une fois à tous d'avoir écouté cette émission. Merci Marc, à toi d'avoir fait cette émission avec moi encore une fois cette semaine. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde. La semaine prochaine où on va parler du Salon de Détroit, d'ailleurs, il faut le préciser. Oui, ça aussi. Bye tout le monde. Bye.